Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La pensée de Jean-Jacques Rousseau a toujours été l'occasion de malentendus et a toujours déchaîné les passions, voire la haine. Aujourd'hui d'ailleurs, presque plus personne ne parle de lui. Il serait à l'origine de tous les maux du monde, pensez donc, il aurait inspiré tous les dictateurs de la Terre. Délaissé par les philosophes, Rousseau séduit davantage les écrivains, qui admirent, eux, le grand romancier à succès de la Nouvelle Héloïse et les sublimes rêveries du promeneur solitaire. Pourtant, il s'agit d'une pensée passionnante. Mais par quel bout la prendre ? Seul un grand professeur de philosophie pouvait être capable de s'emparer d'une œuvre aussi paradoxale que multiple. François Châtelet avait fait en 1975 un cours important consacré à Rousseau. Il en donne les raisons dans cette émission. Parti pris, François Châtelet, actualité de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est-il actuel ? J'ai regardé les sujets du bac, pas de Jean-Jacques Rousseau. Et pourtant, François Châtelet, c'est l'année que vous choisissez pour faire un cours sur Rousseau à l'université de Vincennes. Tout de suite, le problème posé par l'invité d'hier, Pierre de Bréritzen. Précisément, grande actualité de Jean-Jacques Rousseau, puisque il y a deux siècles au moins, il a dit « l'homme vivait seul, il est entré dans une société, il y a appris la propriété, il est devenu agressif ». Aujourd'hui, dans notre actualité scientifique, tout est faux. Depuis l'Australopithèque, l'homme vit en groupe. Deuxièmement, la propriété, c'est le territoire, et ça existe depuis avant les vertébrés, il y a des centaines de millions d'années, et qu'enfin, mon Dieu, notre cher Homo sapiens a toujours été un tueur, un prédateur, et hélas, pour sa propre espèce. Oui, c'est vrai, Monsieur de Bréritzen a tout à fait raison. Les faits évoqués par Rousseau sont faux. Bon, la science actuelle les met en doute, et je crois d'une manière fort légitime. Dès qu'on parle de l'homme, effectivement, on parle déjà de société. Mais cela, Marx le disait bien avant, les confirmations qui ont été données aujourd'hui. Mais pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Je dois préciser que ces données scientifiques, d'abord, sont révisables, comme toutes les données scientifiques, et ensuite, ne comptent pas en ce qui concerne la lecture d'un auteur comme Rousseau. Alors, à quel niveau faut-il lire Rousseau ? Eh bien, je pense que la philosophie de l'histoire, ou plus exactement, la philosophie de l'anti-histoire qu'il y a chez Rousseau, fonctionne très exactement comme un mythe. Vous voulez dire qu'il recherchait une légitimité plutôt qu'une explication de ce qui s'était passé ? Bien sûr, fonctionne comme un mythe. Je vais expliquer peut-être un petit peu le double sens que je donne à ce terme. D'une part, comme un mythe d'origine. Il s'agit pour une société de trouver ses fondements, ses racines. Et les fondements trouvés dans les sciences ne sont pas plus légitimes à mes yeux que les imaginations de Jean-Jacques Rousseau. On en reparlera dans deux siècles, si vous voulez. Deuxièmement, il faut voir que les mythes ont en général une valeur polémique, c'est-à-dire une valeur politique. Lorsque Jean-Jacques Rousseau fabrique son mythe de l'anti-histoire, fabrique son mythe de l'homme naturel, il prend d'ailleurs suffisamment de précautions pour nous avertir qu'il s'agit là d'une idée qui doit attirer notre attention à nous autres, vivants, au XVIIIe siècle, puisqu'il s'adresse aux gens du XVIIIe siècle. Et si nous parlons aujourd'hui d'actualité de Jean-Jacques Rousseau, je pense que ces interpellations de Rousseau sont encore les nôtres, quelles que soient, par ailleurs, les découvertes qu'ont pu faire les savants en cette affaire. Vous parlez du mythe de Rousseau, mais est-ce qu'au fond, la grande force de Marx aujourd'hui n'est pas également sous l'aspect mythique ? Il y a deux aspects chez Marx. Et il y a un aspect mythique, il y a un aspect scientifique. Chez Rousseau, il y a essentiellement un aspect mythique. Est-ce que c'est cet aspect mythique qui explique qu'aujourd'hui en France, on continue de le considérer surtout comme un écrivain, un littéraire, qu'on refuse de voir en Rousseau un grand philosophe ? Ah mais bien sûr, et je vous remercie de poser cette question, parce que l'état des études en France concernant Rousseau pose un certain nombre de problèmes d'interprétation et de problèmes de lecture. Je préciserai d'ailleurs que les choses se sont arrangées depuis une quinzaine d'années. Mais moi, j'ai le souvenir des études que j'ai faites à la Sorbonne. Il était bien entendu qu'on ne parlait pas de Rousseau en philosophie. On parlait de la petite maison de Jean-Jacques, c'est tout. Même pas. On parlait de Rousseau un peu en sociologie, pour montrer à quel point il était peu sérieux, précisément. Et Rousseau était l'apanage des littéraires. Et il faut voir. Dans l'ignorance de Rousseau philosophe, de Rousseau penseur plus exactement, dans la coupure disciplinaire entre philosophie et littérature. Et c'est propre à la France, cette coupure ? Ah oui, cette situation est propre à la France parce qu'il y a un enseignement de la philosophie dans l'enseignement secondaire. N'est-ce pas ? Il y a la classe de rhétorique, ou classe de première, où on parle de Rousseau, comme on parle d'ailleurs volontiers de Montesquieu. Et puis, il y a la classe de philosophie, ou les classes terminales, où alors on se met à parler des philosophes. Les premiers, ceux qu'on jette dans la rhétorique, sont ceux qui ont bien écrit. Les autres, ceux que l'on aborde ensuite seulement, ceux de la classe terminale, sont ceux qui ont bien pensé. Mais si on ne parle pas de Rousseau en philo, n'est-ce pas, d'une certaine manière, parce qu'il dérange tout le monde ? Mais bien sûr, et c'est la seconde raison. La seconde raison, en dehors de cet aspect disciplinaire, ou de coupure disciplinaire, la seconde raison, c'est que Rousseau fait toujours un peu peur. C'est un bonhomme bizarre que l'on arrive bien mal à situer. Et j'avoue que si j'ai choisi cette année, avec l'accord des étudiants et le raccord enthousiaste, je dois dire, de parler de Rousseau pendant un an, c'est que j'avais envie moi-même d'essayer d'y voir un peu plus clair. François Châtelet, la question de notre invité de mardi, Lionel Chouchon. Je voulais vous demander s'il ne pense pas qu'à l'heure actuelle, et pour prendre encore un terme très, très mode, Jean-Jacques Rousseau n'est pas hyper récupéré. Je veux dire que j'ai l'impression qu'il y a des rousseauistes dans la politique, et il y en a dans les mouvements de protection de la nature, dans l'écologie, etc. Donc comment, au bout du compte, Jean-Jacques Rousseau va-t-il se sortir de tout ça, et qu'est-ce qu'il restera à la fois de l'homme et de son œuvre une fois ses récupérateurs passés ? C'est une bien belle et bien bonne question. Bravo, c'est vrai, Chouchon, bravo. C'est vrai que Rousseau, est, à la fois il fait peur et en même temps il est récupéré. Mais c'est pas comme ça que je le vois. Alors comment le voyez-vous ? Bon, d'abord, il faut insister sur le fait que Rousseau est le premier, peut-être, à avoir entrevu l'importance du point de vue ethnologique. À cet égard, on peut considérer comme décisives les pages que Claude Lévi-Strauss écrit à la fin de son très grand livre « Triste tropique ». Lévi-Strauss explique d'abord très bien que l'état de nature n'a jamais été pensé par Rousseau comme un état réel qui aurait eu lieu jadis, très loin dans le passé. En réalité, c'est un concept limite. C'est une idée que nous fabriquons, une idée mythique que nous fabriquons, pour nous penser nous-mêmes, pour penser notre propre situation. Du coup, la référence à l'état de nature, c'est le point de vue différentiel qui va nous permettre de comprendre notre société. C'est donc un raisonnement, et uniquement un raisonnement. C'est d'abord un raisonnement. Dans la première partie du deuxième discours, du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il y a cette première idée. Il y a aussi une deuxième idée, qui me paraît très importante. Dans la première partie de ce deuxième discours, il y a une description de ce que j'appellerais l'extrême sauvagerie. Et c'est tout à fait passionnant. Nous savons, par les recherches érudites, que Rousseau était un lecteur, et un lecteur extrêmement attentif des récits des voyageurs, que lui-même était un grand voyageur, qu'il a beaucoup marché à travers l'Europe. Certes, il n'a pas franchi les mers, mais il a beaucoup marché, beaucoup observé les différences de mœurs. Et c'est très important, ça. La description de l'état d'extrême sauvagerie qu'il tire de ses livres de voyageurs lui permet de regarder d'un œil neuf la civilisation policée, la civilisation du XVIIIe siècle qui est encore la nôtre. Car il faut bien que nous puissions nous déprendre de notre entourage. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a les manières scientifiques. Bon, je ne les conteste pas pour l'instant, on n'a pas le temps. Mais il y a aussi cette manière qui a été choisie, par exemple, par les ethnologues, se transporter par la pensée au creux de l'Amazonie, au creux des plaines du Mississippi, pour regarder ce qui se passe ici. Déjà, Montesquieu pratiquait la chose. Mais Montesquieu pratiquait la chose sous la forme du conte ironique. Rousseau, lui, est infiniment plus sérieux. Il est infiniment plus grave devant ce genre de questions. Il ne veut pas seulement moquer le XVIIIe siècle. Il veut fondamentalement le mettre en question ses habitudes mentales, ces types de pouvoir et, répétons-le, ces mœurs. Est-ce que c'est cela qui l'a amené à remettre en cause la conception qu'on se faisait de la science à ce moment-là, cette conception extrêmement optimiste qu'on se faisait de la science au XVIIIe? Ah oui, et c'est là, alors là, peut-être un deuxième aspect extrêmement important qui apparaît dans le premier discours, dans le discours de 1750, le discours sur, qu'on appelle maintenant, discours sur les sciences et les arts. Ce discours, à le lire comme ça, d'une manière rapide, peut apparaître comme un exercice rhétorique. Rousseau voulait arriver, il est arrivé par les moyens qui lui semblaient les plus convenables. Mais en réalité, entre les lignes, et même dans les lignes, il y a un certain nombre d'affirmations très remarquables. Et je vais me permettre de vous lire très, très, très brièvement quelques lignes qui se trouvent tout à fait au début du texte, dans la première partie. Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblaient nés, leur font aimer leur esclavage et en forment ce qu'on appelle des peuples policés. Et puis voici la phrase décisive de Jean-Jacques Rousseau. « Le besoin éleva les trônes, les sciences et les arts les ont affermis. » Autrement dit, Rousseau a très bien vu ce qui est aujourd'hui fort à la mode et qui a été oublié pendant tout le XIXe siècle, à savoir qu'il y a une liaison étroite entre le développement des sciences et le renforcement de ce que Nietzsche appelait le plus froid des monstres froids, à savoir l'État. Oublié par les philosophes de gauche, mais pas par les philosophes de droite. C'était quand même une pensée assez courue à droite. Oui, seulement à droite, ce que l'on voulait, c'était un retour à une légitimité paternaliste. Mais les gens de droite, bien sûr, ne contestaient pas non plus l'État. La discussion entre la droite et la gauche au XIXe siècle est une discussion sur la nature de l'État. Mais est-ce que Rousseau contestait l'État? On n'a pas l'impression. Oui, ça, il faudrait aussi le bien voir. Il faudrait aussi le bien comprendre. Et ce serait peut-être alors notre troisième axe, parce qu'il y a tant de choses dans Rousseau, on pourrait en découvrir bien d'autres. C'est le fait que Rousseau a essayé vraiment profondément de penser la démocratie et son exercice. C'est dans le Contrat social, bien sûr, c'est aussi dans l'Émile, qui est un livre aussi bizarre. C'est important qu'il parle de démocratie dans un livre sur l'éducation. Oui, mais bien sûr, parce que il voit dans l'éducation la possibilité de former un homme démocratique. Comme l'a montré René Scherrer dans Émile Perverti, il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il y ait réussi. Et ça peu importe, au fond, qu'un auteur ait réussi, on n'est pas ici pour dresser des palmarès. Hein. On est là pour essayer de saisir au vol des intuitions importantes, des raisonnements décisifs qui nous permettent précisément d'avoir ce point de vue différentiel sur nous-mêmes. Alors quelle a été cette intuition de Rousseau? L'intuition essentielle de Rousseau, c'est que, d'abord, il naît de régimes qui correspondent à la nature humaine. Passons ce concept, qui est un concept de l'époque, dépassé lui aussi aujourd'hui, semble-t-il, que le seul régime qui corresponde vraiment à la nature humaine, c'est, dit-il, le régime républicain, c'est-à-dire, dans le vocabulaire de l'époque, le régime démocratique. Tout autre régime est considéré, selon lui, comme régime de rattrapage lié régime à des conditions. Et, régime mais non gouvernement, là il y a une distinction assez fondamentale chez lui. Il s'agit bien sûr de régime, il s'agit bien sûr de statut. Donc, tout régime correct, convenable, est républicain, est démocratique. Mais ce qu'il faut bien voir, et ce que, je crois, nous avons perdu de vue, et partout, à l'ouest comme à l'est, au sud comme au nord, à l'extrême orient comme à l'extrême occident, c'est que la démocratie n'est jamais faite. Ça se mérite ? Ça se mérite, oui, tous dans l'optique jours. De Rousseau, ça se mérite. Je ne sais pas, c'est un problème que je ne voudrais pas discuter. Mais en tout cas, la démocratie, ça se fait tous les jours. Ça se fait dans la vie quotidienne. Bref, il n'est pas question de penser qu'on peut dire à un moment donné, voilà, la démocratie est là. Nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons des institutions qui garantissent la démocratie. À mon avis, c'est un petit peu l'erreur qui a été faite par ceux qui ont récupéré Rousseau à l'heure actuelle, par ceux qui ont voulu s'inspirer de Rousseau pour trouver de nouvelles dispositions institutionnelles, constitutionnelles ou légales. Ce qui veut dire que pour lui, la démocratie, ça ne sont pas des institutions, mais un état d'esprit. La démocratie, c'est un état d'esprit, c'est surtout un statut des mœurs. Et c'est exactement ce que signifie ce fameux concept de volonté générale. Et une fois de plus, il nous faut bien constater l'extraordinaire jeunesse de Sartre à cet égard. À quel rapport faites-vous il n'y a pas de rapport entre Rousseau et Sartre, de rapports doctrinaux, bien sûr. Mais il y a cette idée que Sartre a remarquablement vue dans un livre que, par ailleurs, je conteste foncièrement, La critique de la raison dialectique, tome 1er. J'espère que le tome 2 arrivera. Qu'il considère aujourd'hui comme son livre le plus important, je crois. Et oui, il a bien raison. L'idée du groupe en fusion, Sartre a très bien vu que l'activité constitutive de la liberté des hommes, l'activité révolutionnaire, passe par l'existence du groupe en fusion, de quelque chose qui ne s'est pas encore sclérosé, formé, déposé au creux, au sein d'un discours et d'une matérialité, que ce soit la matérialité des bâtiments publics, hein, ou la matérialité de la force du même métal public, hein. La démocratie, c'est une chose qui se fait constamment. Que, par exemple, les Jacobins avaient bien vu la chose lorsqu'ils avaient institué les clubs qui font vivre tous les jours, tous les soirs. On fait revivre la démocratie. Mais malheureusement, Rousseau, lui, était contre les partis, contre les groupes. Il était contre les partis, contre les groupes, parce que ce qu'étaient les partis à l'époque, c'était effectivement des groupes de pression. Vous croyez que ça a changé aujourd'hui? Non, pas du tout. Oh là là, je crois que c'est encore pire, parce que c'est plus masqué, c'est encore mieux organisé. Qui constituait des écrans entre les citoyens et le souverain, ce qu'il appelle le souverain. Non, dans l'idée de volonté générale, il y a cette idée que chaque jour, il faut refaire la démocratie. Que la démocratie, alors là je vais parler comme Kant, c'est une tâche infinie, que les choses ne sont pas réglées, qu'elles ne sont jamais réglées. C'est une révolution permanente ? Oui, c'est une révolution permanente, c'est une révolution ininterrompue. Je crois que là, j'aimerais bien inventer une troisième expression pour me distinguer de Léon Trotsky et de Mao Tse-Tung. C'est un grand moment, ça fera référence. Vous écoute. Je l'espère. Enfin, c'est une révolution continuée. Et ici, on pourrait faire allusion à une autre mythologie qui est passionnante aussi. C'est la mythologie des théologiens. Les théologiens les plus subtils, les plus profonds, avaient bien compris que la création du monde, puisque telle était leur conception, était toujours une création continuée. Que Dieu, à chaque moment pour nous bien sûr, pas pour lui, que Dieu faisait exister le monde. Eh bien, de la même manière, les citoyens doivent faire exister la démocratie à chaque instant, dans leur tête, bien sûr, mais dans leur quartier, et aussi lorsque, pour des raisons techniques, ils sont chargés de déléguer leur pouvoir, alors ils ont le devoir de veiller à ce que cette délégation ne soit pas en même temps une trahison, ce qu'il appelle une aliénation, une volonté qui devient étrangère... Par le phénomène de la représentation. À celui qui a voulu, par le phénomène de la représentation. Au fond, Rousseau, c'est un théologien de la souveraineté. C'est pas un théologien de la souveraineté parce que, on pourrait même peut-être dire un peu le contraire, c'est qu'il a voulu abolir dans la réalité politique toute espèce de transcendance qui serait là et qui réglerait les problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de transcendance dans l'idée de volonté générale, cette espèce de Dieu qui domine la vie politique dans l'esprit de Rousseau? Eh bien non, il a inventé l'idée de volonté générale pour lutter contre l'idée du Dieu mortel de son prédécesseur de plus d'un siècle, qu'il haïssait, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes désignait l'État comme étant le Dieu mortel. Le Léviathan. Et Rousseau répond non. L'État est un danger, ce qu'il faut, c'est l'exercice constant de la volonté générale. Alors comment expliquez-vous que Rousseau, qui part au fond sur des idées plus libérales, enfin, au sens fort du terme qu'un John Locke par exemple, donne lieu à des mises en œuvre qui se rapprochent de Hobbes et du Léviathan, et des systèmes totalitaires? Pourquoi Rousseau a-t-il inspiré les systèmes totalitaires? Oh, ben, ça, c'est un phénomène qui est assez fréquent. Je veux dire que l'on peut toujours utiliser un auteur d'une manière ou d'une autre. C'est aussi le fait que l'on a commis, ça se pratique aussi couramment, on a commis des anachronismes. C'est-à-dire qu'on n'a pas situé Rousseau exactement dans son temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de le comprendre... On ne l'a peut-être pas lu non plus. ...tel qu'il était. On ne l'a pas bien lu, à ma connaissance, mais ça, je ne saurais l'affirmer. Le Rousseau du contrat social n'était guère connu des grands révolutionnaires français. Robespierre connaissait surtout la nouvelle Héloïse, par mais exemple. Mais on dit que Marat faisait pourtant des lectures publiques du contrat oui, social Rousseau, sur les promenades. Oui, Marat était une exception dans cet ensemble. Et il faut bien dire que la Convention, les clubs, ont pendant un moment réalisé cet idéal de Rousseau et ont quand même opéré une révolution, une grande révolution, une admirable révolution, qui a fait peu de victimes et qui a bouleversé complètement le statut d'abord des Français et ensuite le statut de l'Europe et de l'humanité. Parti pris, François Châtelet. Demain, Pierre Salinger, vous l'aurez en prime, Pierre Salinger. Le soir, il sera à Antenne 2 pour Apostrophe et il vient chez nous en prime à l'heure du déjeuner. Alors, je vous donne rendez-vous à demain. Lundi, Roger Grenier et mardi, Louis Reboul, l'alcoolisme est in avis. Je vous donne ce programme à l'avance parce que François Châtelet voudrait poser une question à Louis Reboul. Oui. Je pense que la question de l'alcoolisme est une question décisive. Mais la question que je voudrais poser à M. Reboul est une question rousseauiste, une question de généralisation. La civilisation est-elle un vice ? Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 juillet 1975. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. If you were far away from here, would you be as quiet as you are now? Would you be looking out the window? Would you be silent? Should you be silent? Should I be silently waiting for the world? Sorry, then I'll be sorry, then we'll be sorry together.